Bienvenue au 9-9 dans ce Frankencast numéro 8. Je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc Onomnav, donc je suis rôliste depuis quelques années. Je suis sur les CA depuis officiellement un an, enfin un an et demi, sinon activement depuis, on va dire, 3 mois. Et j'essaye d'être auteur de jeux de rôle. À la base, j'ai surtout fait des jeux dans mon coin, et là j'essaye de faire un vrai jeu. Et sinon, comme type de jeu, j'ai fait des jeux très classiques à des jeux, on va dire, un peu plus étranges, que ce soit des jeux en une page ou des jeux, on va dire, peu connus, mais publiés quand même. Ok. Est-ce que si jamais tu as envie de donner un exemple Bah, dans les jeux que j'aime beaucoup, typiquement, on va dire, sortir les jeux en une page, il y a We Are Zombies, dont le principe c'est de jouer des zombies qui peuvent faire que des. En jeu, on va dire, publié, que j'aime bien, il va y avoir classiquement Freak's Quill, que je masterise, ou Monster of the Week, où là je suis surtout joueur. Et j'ai également pas mal joué à des jeux, on va dire, plus tradis et plus classiques, type Nullbuck, bon, même si j'ai une allergie à Pathfinder, mais c'est assez particulier. Ah bah, à l'origine, moi je parlais de l'un de tes jeux, mais après, bon, la question reste ouverte. Ah, ok. Et bah, comme jeu, ce que je fais, bah, c'est Galaxy, qui est un. Comment dire? On va dire que c'est un jeu qui est inspiré maintenant des PBTA, mais qui est moins. Plus sur l'idée que sur les mécaniques. Ok. Onomnaf, dis-moi, qu'est-ce qu'un jeu alternatif pour toi? Bah, pour moi, c'est très vague. Parce qu'en fait, pour moi, un jeu alternatif, c'est un jeu qui fait pas comme les autres. Ok, dans un contexte qui est différent des autres. Par exemple, en un sens, Cthulhu peut être considéré comme, sur certains points de vue, comme un truc alternatif, parce que il a été un des premiers, à la base, à créer des trucs comme la santé mentale. À la base, c'était alternatif. Maintenant, ça l'est plus parce qu'il y en a plein d'autres, et du coup, ça a créé un style, entre guillemets, ou une manière de jouer qui va être qui est commune en fait. Donc ça a perdu ce statut de alternatif. C'est un statut qui peut être Ok. perdu, entre guillemets, et c'est pas quelque chose de bien ou de mal. C'est plus un constat pour moi. Ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire actuellement, c'est quoi un jeu alternatif pour toi? Bah, pour moi, un jeu alternatif actuellement, bah, c'est des jeux qui vont s'amuser à chercher des nouvelles manières de jouer. Bah, dans les exemples, typiquement, j'aime beaucoup Freak's Quill parce qu'il est totalement ovni, par exemple, sur ses mécaniques. Il y a des dés, mais tu pourrais presque t'en passer. Tu es obligé de jouer avec des autres, sinon tu peux juste mécaniquement pas gagner. Et tu dois poser des jetons sur une feuille comme le ferait un jeu de plateau. Bref, c'est un truc fonctionnel qui a beaucoup d'aspects très traditionnels, mais en même temps fait des choses qui sont totalement nouveaux et du coup très intéressants. Ça, c'est une manière de faire des une manière d'avoir un truc alternatif. Et après, forcément, il y a les jeux qui vont être, on va dire, underground, où on va s'amuser à pousser un concept dans ses derniers retranchements. Et forcément, bah, on va créer quelque chose de nouveau qui va être hors des grands jeux hyper traditionnels. Ou si on est on connaît rien au jeu de rôle, on verra jamais le rapport entre ça et un Donjon et Dragon, alors qu'il y en a bel et bien. Typiquement, les forces de drama ont un lien avec Donjon et Dragon, mais si on le connaît pas, pour le trouver, faut se lever tôt. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Forces de Drama, c'est des jeux où en fait on pioche dans un paquet de cartes et on répond à des questions en se passant, enfin, en faisant du tour par tour. Voilà, grosso modo. Du coup, Onomnaf, toi, ça passe plus par les mécaniques de jeu qu'un jeu est alternatif? Peut y avoir également le fond, qu'est-ce qui est mis en emphase. Bah, par exemple, un univers spécifique où l'auteur veut, je ne sais pas, par exemple, un sujet d'actualité qui lui porte à cœur de parler, et il le fait à travers un jeu. Ça peut être une manière de faire un jeu alternatif. Mais après, moi, je suis très personnellement porté sur les mécaniques et plus sur comment est-ce qu'on va jouer au jeu, qui va être fictionnel, les codes fictionnels d'un univers. Par exemple, peuvent faire quelque chose d'alternatif. Par exemple, j'avais entendu parler d'un jeu, j'ai totalement oublié le nom, où on va jouer du hacking dans un univers de fantasy. En un sens, ça peut être alternatif et ça correspond à ma définition. Ok. Mais ouais, donc l'alternative, c'est de l'originalité, entre guillemets, par rapport à ce qui est fait de base. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu y cherches, toi, en fait, quand tu joues à ce genre de jeu? Tu y joues pourquoi? Bah déjà, comme tous les jeux, pour avoir du fun. Et après, il y a, j'aime beaucoup découvrir des choses. Dans le sens, par exemple, j'étais très content de découvrir les forces de drama, donc, comme j'ai expliqué. Pareil pour les PBTA que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et déjà, parce que découvrir une nouvelle manière de jouer, c'est fun. Moi, déjà, découvrir, pour moi, c'est fun, en fait. Donc, découvrir une nouvelle manière de jouer, c'est doublement fun, parce que je joue, et en plus, c'est fun. Et mine de rien, il y a le côté auteur et bricoleur de jeux de rôle qui est aussi dans le coin, bah, pour repiquer les trucs, parce que mine de rien, des gens créent des choses, entre guillemets. C'est dans le jeu de rôle, l'avantage, c'est que les mécaniques, les univers sont open source, entre guillemets. Et du coup, on peut s'en inspirer, repomper, remodifier. Et de toute façon, un jeu de rôle maintenant n'est qu'un agglomérat de trucs qui ont été shippés un peu partout. Donc ouais, dans ce sens-là, pour moi, c'est très fun de jouer à un jeu qu'on pourrait dire alternatif. J'ai mis beaucoup de fois le mot fun quand même. Du coup, grosse question, c'est quoi le fun? Est-ce que le fun, c'est quand on rigole en se tapant des barres à la table? Parce que moi, je pense à des jeux, par exemple, on peut penser à, je ne sais pas si tu as joué La vie de l'absent ou ce style-là, là, où on joue des trucs hyper dramatiques. Alors, c'est une grosse question philosophique et je pense que je vais répondre. C'est fun quand je trouve que c'est fun. C'est à peu près aussi. D'accord. Et je pense que ça va dépendre de chacun. Mais en gros, c'est moi, j'aime beaucoup découvrir des choses. Donc, si je découvre quelque chose, je vais trouver ça fun. Je fonctionne beaucoup sur l'immersion. Donc, si je suis en immersion, je vais trouver ça fun. Mais si je suis avec des potes et qu'on raconte de la merde sur une fiction en bouffant des chips et en buvant des bières, je vais aussi trouver ça fun. Ouais. Donc moi, c'est très large. Donc en fait, c'est quand tu es content d'avoir joué au jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement. Ok. Et du coup, l'alternatif, enfin le fait de jouer à un jeu alternatif, c'est une manière d'être content d'avoir joué. Découvrir quelque chose, je suis content de l'avoir découvert, donc j'ai trouvé le jeu fun. Peut-être qu'au bout de la troisième fois où je joue à ce jeu, je vais faire une fois, c'était cool. Au bout de la troisième, mais c'est moins donc, bon. Entre guillemets, les jeux alternatifs, c'est une façon de découvrir des nouvelles façons de jouer. Et si tu sais à l'avance que c'est alternatif, tu penses que la partie va être fun de base. Enfin, est-ce que je résume un peu en disant ça? Je me dis que au moins la première partie va être fun parce que je vais découvrir quelque chose. Peut-être que les autres, une fois que j'aurai fini cette phase de découverte, je vais juger le que la magie jeu retombe. La partie pour ce qu'elle est sans cette composante découverte. Donc c'est autre chose. Et le côté alternatif, on va dire, n'a plus d'impact sur mon fun. Ok. Il reste à peu près une minute. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose? Je vais remettre l'emphase sur le fait que pour moi, le côté alternatif, c'est un état à un moment présent. Sauf si on s'est mis à faire de l'archéologie rôliste, mais si c'est alternatif, c'est alternatif maintenant. Ça le sera peut-être plus tard, mais si tout le monde se met à faire quelque chose de similaire, ça l'est plus, peut-être plus forcément. Par exemple, est-ce que les PBTA sont toujours alternatifs? Peut-être pas vraiment, puisqu'il y en a plein. Mais ouais, c'est une grosse question. Moi, je me pose aussi, par exemple, la question de est-ce que l'OSR, c'est de l'alternatif? Ouais. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau maintenant, en ressuscitant de l'ancien. Donc, en un sens, oui. Et en un sens, non. Voilà. J'aime les réponses fermées.